D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, mais lui qui a un gros nez, et qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, et lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi. Se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin et qu'on retrouve le matin dans l'église qui roupille raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie et qu'à l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Bidouillage. Liberté numérique. Société de l'information. Casse-gorge sur deux. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur deux. Bidouillage. Ni filtrage, ni censure, nous voulons la net, libre et ouvert. Actualité. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, veut le faire. Bonsoir à tous et bienvenue sur Random, c'est sur Radio Campus, 106.6 FM. C'est la numéro 32, c'est ça, je me trompe pas? Oui. Voilà, donc ensemble pour une petite heure maintenant, et de quoi allons-nous parler ce soir? Donc, on va parler un petit peu logiciel libre avec la sortie de quelques logiciels qu'on aime bien ici. Donc on va parler de la sortie d'OpenSSH 5.7, de Wireshark, de la nouvelle release de Wireshark, de la nouvelle release de Nmap. Après, on va bifurquer sur l'actualité du milieu hacker, parler un peu de la sortie du Rafale numéro 14, de la tentative d'intrusion dans l'infrastructure de Fedora. Et, donc voilà. Par contre, le sujet qui va vraiment nous intéresser dans cette émission, ça va être sur la censure des réseaux, parce qu'il y a vraiment eu pas mal d'actualités dans ce domaine-là, notamment avec Orange et Cogent, mais bien sûr avec l'Égypte, et on parlera aussi un peu de ce qui a été fait pour contrer la censure en Égypte. Voilà, donc on détaillera pas mal tout ça. On parlera aussi un peu 3G avec la détection par SFR des clients qui utilisent un modem 3G pour se connecter. Et voilà, on parlera. Bon, on va revenir sur l'un de nos marronniers de l'émission, sur le réseau Facebook, et on expliquera encore ce qui a encore évolué chez Facebook au niveau. De donc de la sécurité, et on finira donc par... Quoi, sécurité Facebook dans la même phrase? Oui, et on finira donc sur l'agenda, un agenda riche autour des logiciels libres, du hacking, donc voilà. Voilà, entrecoupé de petites pauses musicales comme à notre habitude, et je pense qu'on va pouvoir commencer avec les actus logiciels libres. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans les actus logiciels libres? Mais je pense que déjà, on ne s'est pas présenté, on n'a pas dit qu'il était présent ce soir. C'est vrai, bien vu. Alors, bonsoir Little Charlie. Bonsoir. Bonsoir Little Charlie, bonsoir Mad Mastrigan à la technique. Ouais, bonsoir. Et un invité ce soir avec Sinuso. Bonsoir. Tadam, c'était le moment. Voilà, donc actualité du logiciel libre. La sortie d'OpenSSH 5.7. Donc OpenSSH, qu'est-ce que c'est? C'est une implémentation complète des protocoles SSH 1.3, 1.5 et 2.0. Et il inclut aussi un serveur FTP, enfin SFTP, pardon. Les principales nouveautés, il y a l'implémentation de ECDH et ECDSA pour respecter en fait la RFC 5656. Pour ceux qui veulent fouiller, allez-y. Côté SFTP, il y a des petites nouveautés aussi avec l'ajout des liens en dur. Avant, il n'y avait que la possibilité de faire des liens symboliques. Donc maintenant, on a le même comportement que dans notre console classique. Les liens symboliques sont toujours disponibles avec l'option -S. Il y a une nouvelle option aussi, l'option -3 à la commande SCP, qui permet de rapatrier en fait un fichier de deux sources distinctes. Donc si on sait qu'on a un même fichier sur deux serveurs SFTP distants, on peut rapatrier plus vite avec cette petite commande. Donc ça, c'est nouveau. Après, petite amélioration de performance, notamment sous OpenBSD, quelques bugs mineurs de corriger dans la version classique et y compris dans la version portable du logiciel, car n'oublions pas, il y a une version portable du logiciel d'OpenSSH. Ensuite, Wireshark 1.5.0, alors c'est une version dev, c'est une version de testing. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a des installateurs, pour Windows et l'OS X, ainsi que le code source. Donc une version de dev sortie le 24 janvier dernier. Il y a une vingtaine de nouvelles fonctionnalités, beaucoup au niveau de la présentation des données surtout, donc de l'interface, un petit peu plus ergonomique. Il y a également quelques imports-exports dans des nouveaux formats supportés. Il y a une trentaine de protocoles qui ont été ajoutés à sa liste qui est déjà assez grande, je trouve. Donc voilà pour Wireshark, qui est une version de développement, je rappelle. Après, on a Nmap 5.50, qui vient de sortir. Donc ça faisait un an qu'il n'y avait pas eu de version stable. Donc ça faisait un an depuis la dernière version stable, et 6 mois à peu près, je crois, depuis l'autre version de développement. Il y avait une conférence sur NSE. Alors NSE, c'est Nmap Scripting Engine. C'est en gros le cœur de script qui permet en fait d'ajouter des fonctionnalités sous sorte de plugin via des scripts en fait. Donc ça permet vachement à Nmap d'être modulaire. Et ce NSE là, donc ce système, avait été présenté l'été dernier au DEFCON et au Black Hat. Et voilà, on voit que depuis la dernière version stable, il y a 177 scripts qui sont maintenant supportés par Nmap. Donc on voit que 177 petites fonctionnalités qu'on peut ajouter, enlever, utiliser à sa guise. Donc ce chiffre a doublé depuis la dernière version stable. Et la version librairie aussi qui passe de 30 à 54, pardon, pour cette nouvelle version. Tant qu'on est dans les chiffres, on y reste. Nmap, ça peut détecter 2982 systèmes d'exploitation, 7319 services. Donc on voit que c'est quand même un outil qui... je pense qu'il est le seul à pouvoir faire autant de détections comme ça. Donc voilà, un gros outil qui gagne d'année en année en maturité. Et pour ceux qui sont intéressés à approfondir le sujet, je vous conseille la lecture d'un petit article sur le blog FZ Corp, donc fz-corp.net. Voilà, un petit article en français, sinon il y a plein d'articles en anglais pour les anglophones qui se baladent un petit peu partout. On va passer à l'actualité du milieu hacker avec la sortie de Rafale 14. Oui, hein. D'accord. Donc bah voilà. Bon, bah, on a notre lecteur préféré des Rafales et autres magazines qui malheureusement pas là ce week-end. Donc, voilà, donc on annoncera juste que la sortie de Rafale 14 est sortie. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Et puis racontez-nous ce que ça donne. Voilà. J'avais entendu parler aussi d'un incident de sécurité dans l'infrastructure de Fedora, c'est ça ? Oui, alors il y a eu une intrusion dans le système, donc l'infrastructure générale de Fedora. Il y a quelqu'un en fait qui s'est aperçu que sa clé a été modifiée, que quelqu'un s'est connecté et a modifié sa clé, donc il a reçu un petit message, il a fait « bah non, c'est pas moi ». Donc résultat, il y a eu vite fait une recherche sur est-ce qu'il y a quelque chose qui a été altéré. À part la clé, non. Il y a eu un audit de sécurité qui a été fait entièrement sur le système de compte des contributeurs Fedora, qui a été fait sur la sécurité d'autres composants. Et en fait, c'est vraiment la personne qui... quelqu'un a usurpé son identité et a changé sa clé. Donc voilà. D'accord. Donc heureusement, il y a plus de peur que de mal. Voilà. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que l'enquête se poursuivait. Ils poursuivaient quand même les investigations et ils en profitaient pour encourager tous les contributeurs à vérifier leurs contributions et rappeler aussi l'importance des mots de passe forts et de ne l'utiliser que pour ce compte uniquement. Voilà. Et aussi peut-être pas de le mémoriser dans le navigateur. Aussi. Ils n'en parlaient pas. D'accord. Censure, filtrage internet, neutralité des réseaux. On a des petites choses à dire là-dessus. Il y en a même énormément. Il y a alors, on savait depuis assez longtemps que il y a internet et internet par Orange. Et ben ça continue. Il y a une petite pièce qui est en train de se jouer en ce moment. Acte 1, Mega Upload, donc le service de mise en ligne de fichiers. Après, on ne sait pas si le fichier... chacun met ce qu'il veut dessus. Et voilà. Donc il y a Mega Upload qui a mis un petit bandeau à usage des internautes de chez Orange. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des internautes s'ils sont chez Orange. En accusant Orange de brider les débits de ses abonnés vers ses serveurs. Faut savoir que Mega Upload, son principal fournisseur de transit, c'est-à-dire de trafic vers Internet, c'est Cogent, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et Cogent et Orange sont déjà en guerre depuis 2004, date à laquelle Orange n'a pas voulu adapter ses tuyaux aux échanges entre Cogent et Orange. Faut dire que Orange a racheté une société qui s'appelle Open Transit, qui est un concurrent direct de Cogent, donc fait tout pour couler un peu la concurrence. Mais le problème, c'est que c'est contraire au code des postes et télécommunications, au CPCE. Donc acte 2, vu que Mega Upload a accusé Orange donc de brider les débits et que Cogent a rajouté une couche en disant qu'il faisait de la distorsion de concurrence, etc. Donc Orange a lancé une attaque pour diffamation contre Cogent pour dénigrement. Troisième acte, il y a Mega Upload qui, ils ont pas froid aux yeux, hop, ils remettent une couche, Orange vous bride, vous pouvez changer de fournisseur d'accès, n'hésitez pas. Donc ouais, c'était sous forme de quand les abonnés en fait d'Orange allaient sur Mega Upload, ils avaient une jolie petite pancarte quasiment qui s'affichait en disant vous êtes abonné chez Orange, si vous remarquez des lenteurs, nous vous conseillons de changer d'abonné, proposer même d'aller chez des concurrents qui nommaient clairement. Toujours dans la censure. On avait l'habitude d'utiliser Google comme moteur de recherche, notamment pour le fait d'avoir plus d'informations que sur les autres moteurs de recherche. Disons que c'est ce qui a motivé pas mal de monde à une époque à passer à Google parce que les résultats étaient plus fiables. Et voilà que dans Google Instant, donc la version instantanée de Google qui affiche les résultats pendant qu'on tape la requête, Tout ce qui est BitTorrent, RapidShare et Mega Upload se retrouve censuré dans les résultats. Donc peut-être que ça serait le moment de passer à d'autres moteurs de recherche un peu plus respectueux de la vie privée. Il y a notamment deux moteurs de recherche qui sont assez connus. Il y a Scroogle, qui est une interface à Google qui anonymise les requêtes. Et sinon, un moteur de recherche qui va à la fois vers l'anonymat, vers des fonctionnalités avancées et vers une décentralisation. Donc, des tas de nœuds peuvent venir se connecter sur le moteur de recherche pour ajouter en capacité de recherche. Donc il y a Six, donc le projet c'est six-project.info et ça donne déjà des choses pas mal. Il y a Xquirk aussi. Oui, Xquirk qui a reçu une récompense de la part de la Commission européenne ou de l'Union européenne pour sa protection de la vie privée. Il garde pas de traces, il permet de faire des recherches en HTTPS, etc. Bon, donc toujours sur la censure, là on va arriver dans le gros de l'actualité. On a, dans les derniers jours, donc vers le 27, on a vu le débit de l'Égypte qui a était divisé par plus de 10. Il restait moins de 5% du débit en provenance d'Égypte. On s'est rendu compte qu'en fait il y avait quasiment tous les réseaux, peut-être il en restait deux, donc tous les autres réseaux ont désannoncé leur préfixe. Donc pour simplifier, en fait les adresses IP qui appartenaient à ces fournisseurs d'accès n'ont plus été visibles sur Internet, donc on savait plus où est-ce qu'il fallait renvoyer l'information pour telle ou telle adresse IP. Et donc en fait c'est l'État égyptien qui a contacté les FAI et qui leur a dit de couper les transmissions. Donc ça a fait un blackout total de l'Internet égyptien. Il y a eu la même chose au niveau des SMS et des communications téléphoniques et parfois des communications téléphoniques internationales. Mais il y a quand même quelques communications qui réussissaient à passer à l'international. Du coup, on a le FAI FDN, dont on a beaucoup parlé sur les ondes de Random. Donc FDN a proposé donc aux Égyptiens de se connecter sur l'infrastructure RTC, donc l'infrastructure d'Internet classique. Donc il a proposé ça aux Égyptiens. On a vu aussi donc en Irak, en Syrie et dans d'autres pays, aux Émirats Arabes Unis, on a eu aussi des connexions sur FDN donc ces derniers jours. Donc ça ne sert pas que à l'Égypte. Il y a eu donc d'autres initiatives, donc notamment d'utiliser les ondes radio, je crois que c'est les ondes courtes, mais je ne sais plus. Donc en fait, les radios amateurs d'Europe et de ces pays-là ont fait des transmissions longue portée en envoyant des ondes. Donc là, c'est plutôt normalement des transmissions analogiques, en théorie, sur lesquelles ils sont venus moduler ces ondes pour transmettre un signal. Et donc ça a permis, en rebondissant sur l'atmosphère, donc de transmettre des informations avec un très petit débit donc de l'Égypte vers l'Europe. Donc ça s'est fait dans les deux sens et ça a permis de récupérer des tweets et d'avoir un peu plus d'infos sur ce qui se passe. Donc aux dernières nouvelles, il y a les juges aujourd'hui, des juges du Caire qui auraient rejoint les manifestants. Mais donc voilà. C'est pas encore. Mais au niveau des connexions internet en Belgique, en fait, c'est celle des trois principaux opérateurs qui ont été coupés. Il y a quand même quelques petits opérateurs qui ont résisté à l'appel et qui essayent de maintenir les connexions, comme par exemple Nord Data Network, essayent de maintenir fournir toujours la connexion à leurs clients à internet. D'accord. Tu parles vis-à-vis de l'Égypte ? Oui, toujours. Alors, Nour Data Network, c'est historiquement, je crois que c'est le FAI de la bourse. Voilà, c'est ça en fait le truc, c'est que c'est prévu dans la loi que le gouvernement égyptien a le droit de demander aux opérateurs téléphoniques de couper les communications. C'est une loi égyptienne. Et en fait, ils ont demandé à tout le monde de le faire, sauf à Nous, justement. à Nours, pardon, et parce qu'il y a la bourse dessus. Ils voulaient préserver en fait toutes les communications pour la bourse et les transactions bancaires. En fait. À savoir que la coupure Internet, elle a pas mal d'effets entre guillemets secondaires, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, comme Internet est coupé et que les transactions bancaires classiques, quand tu vas dans un magasin et que tu payes par carte bleue, ça passe par Internet. Actuellement, tu vois, tout est bloqué à ce niveau-là aussi. Un truc aussi qui a noté, c'est pour en revenir à Orange, toujours et encore, Orange Business Services avait un centre d'appel hébergé en Égypte. Et du coup, plus d'Internet et plus de communication téléphonique, vu qu'ils utilisaient des technologies SIP ou des équivalents. Et... C'était le service client de Orange Business qui était délocalisé en Égypte, qui n'est plus accessible maintenant. Et donc finalement, l'équipe a été éclatée dans d'autres pays du monde. Ils ont redélocalisé en urgence. Pour rentrer un petit peu dans les détails, parce que ça, je trouvais ça un petit peu marrant. En fait, FDN gardait son infrastructure des anciens modems, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. En RTC. Voilà, en RTC, connu aussi sous le nom de dial-up. Et donc en gros, ils ont donné un numéro de téléphone qu'on pouvait appeler de l'international, donc en plus 33 et quelques. Et on pouvait utiliser donc avec un vieux modem RTC. Et le mot de passe c'était Toto. Ouais, Toto. Alors, Toto. Pour l'histoire, il semblerait que ce soit le compte de test de l'infrastructure en fait. Ouais, c'est ça. Qui a juste été diffusé. Pour pallier à ce problème-là. Là, on ne sait pas ce que ça va devenir, s'il va rester ou s'il va disparaître. Ouais, on va voir. Alors après, il y a eu beaucoup de critiques, vu qu'il n'y a pas de filtrage sur d'où vient l'appel. Il y a eu beaucoup de critiques sur FDN en disant « Ouais, mais vous allez faciliter les pédophiles qui veulent venir se connecter anonymement, etc. » FDN, pour les petits malins qui essaieraient de contourner les lois de leur pays, FDN garde une trace. Ouais, garde au moins les numéros de téléphone, donc ça aura. Mais ce qui est sûr, c'est que au niveau de FDN, c'est des données qui sont confidentielles et qui seront supprimées quand il n'y aura plus besoin de les garder. D'accord. Sur ce, une petite pause musicale peut-être ? Oui. Voilà. Voilà, on va écouter un petit morceau de Trash 80. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé ça sur. Radio Campus, c'est Sidka FNCK. Alors je sais pas, vous prononcez comme vous voulez. À tout de suite. Ça va partir, ça devrait arriver. Ça devrait arriver. Eh bien non, ça ne part pas, c'est formidable. Bon. Désolé. C'est encore Matt qui fait. Ah super. Voilà, tout de suite. Thank you. Random, l'émission qui parasite. Voilà, donc vous venez d'écouter Sid Funk, c'était Trash IT. Et de quoi allons-nous parler? Donc là, on va parler un peu de, du père à père. Un peu, alors. Alors, bon, juste pour pointer un article de ZDNet qui met en avant le fait que, on en parlait tout à l'heure, le téléchargement direct a été fortement mis en avant par la Adopi, et donc du coup, elle n'a pas les instruments nécessaires qui lui permettent de lutter contre le téléchargement en direct. Donc, vu que le téléchargement de fichiers via Mega Upload ou d'autres structures comme ça. Mega Upload, je crois, est à soit Taïwan ou à Singapour. Donc du coup, pour faire appliquer les lois françaises, c'est un peu compliqué. On a soulevé il y a quelques semaines le problème que posait la loi Lopsi, juste pour son article 4, parce qu'il y a aussi d'autres problèmes. Mais là, du coup, avec le filtrage des réseaux, si on peut le faire pour les contenus pédopornographique, pourquoi ne pas le mettre en place pour du contenu musical, hein. Voilà. Tant qu'on en reste dans la politique sarkozyste, on a donc un article du Monde qui revient sur la notion d'internet civilisé, sur comment ça a évolué au fur et à mesure des époques, des mentalités autour de l'internet et des politiques qui peut y avoir. Ok. Et il en ressort quoi un peu de cet article? Ça évolue bien, pas bien? D'accord. Bon, faudra le lire alors. Parce qu'apparemment personne ne l'a lu. Voilà. Donc. La news suivante, c'était SFR détecte et facture les usages des mobiles comme modem 3G. Alors, en gros, c'est quand on connecte son téléphone 3G à son ordinateur. Ou simplement quand on met sa puce dans une clé 3G aussi. Aussi, ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et on s'en sert pour aller... pour faire quoi? Pourquoi on peut s'en servir? Pour pouvoir récupérer ses mails sur son ordinateur... Pour pouvoir faire un peu de SIP, de téléphone via Internet, pour utiliser... Pour tout et pour rien, juste voilà. Pour avoir Internet partout. Ouais, d'accord. Et en quoi ça les... Enfin, moi, je comprends pas, je suis pas utilisateur de mobile, donc la 3G, tout ça, je plane un petit peu. En quoi ça les dérange? Qu'est-ce que ça change pour eux, concrètement? Mais ils vendent des forfaits clés 3G qui sont beaucoup plus chers que ce qui est inclus de base en accès à Internet avec le téléphone. D'accord. Donc si on utilise les accès qui sont faits pour être utilisés uniquement sur un téléphone, ça leur plaît pas parce que du coup ils ne vendent plus d'accès 3G sur tout ce qui est clé 3G qui sont beaucoup plus chers. En fait, pour les petits forfaits, le coût auquel sont vendus les abonnements, avec l'explosion de la consommation de YouTube sur les mobiles ou d'autres plateformes de vidéos ou même d'autres types de contenus, ça fait... C'est quasiment pas rentable, donc par tous les moyens, ils essayent de limiter les usages qui en sont faits. Orange, par exemple, mais là c'est totalement hallucinant, interdit, il n'interdit pas l'usage mail, mais le facture hors forfait. Il y avait une justification d'un responsable d'Orange qui disait que le mail était une technologie qui était trop récente et mal contrôlée, et donc du coup. C'était compliqué, sachant que le mail est quasiment confondu avec la création de l'internet. C'est à peu près dans les mêmes années que le mail et l'internet se sont mis en place. Ouais, puis c'est compliqué. Enfin, quand on étudie les protocoles genre SMTP, il y a plus compliqué, quoi. Donc, en fait, rien que concernant le mail, rien que l'IMAP, c'est beaucoup plus compliqué que du SMTP ou du POP. Ouais. Et donc là, c'est. C'est quand même des normes qui sont connues depuis une quarantaine d'années et oui. Qui sont facilement compréhensibles. En fait, Orange propose de l'internet illimité, entre guillemets, donc limité à 500 mégas par mois de trafic. Au-delà, la connexion est tellement bridée que c'est quasi plus utilisable. Donc c'est délimité, sauf mail, sauf SIP, sauf newsgroup, sauf peer-to-peer, sauf plein de choses, quoi. C'est de l'internet, sauf, moins, et voilà. D'accord. Donc on se retrouve avec du web, exclusivement, quasiment. C'est quasi c'est ça. Et tout ce qu'on peut faire à côté, qui n'est pas bloqué, est surfacturé. D'accord. Ok. Bah ouais, c'est ce qu'on disait au début, là. Il y a Internet et Internet par Orange, donc. Mais, voilà. Donc, concernant le SFR, ça serait intéressant de voir les techniques qu'ils déploient pour détecter l'usage modem d'un accès. Chez Orange, je sais que j'ai dû modifier mes user agents pour faire passer mes navigateurs pour des iPhones pour éviter que ça soit détecté comme Firefox et que, ça soit, bah, que l'usage modem puisse éventuellement être détecté. Faut pas le dire à la radio, ça. Plus maintenant, il n'y a plus ce problème apparemment. Il y a parfois la reconnaissance vis-à-vis des numéros email des cartes 3G. Bêtement le numéro de série. En fonction du numéro de série, on sait quel constructeur et quel type de matériel est utilisé. Après, il y a des méthodes un peu plus crades et, qui sont contraires à la neutralité du net. Il y a l'analyse protocolaire, donc en niveau 4, on regarde si c'est du TCP, de l'UDP, si c'est sur quel port, donc port 25 pour du mail, etc. Et encore plus crade, il y a des soupçons de DPI, donc d'analyse de paquets profonds par plusieurs opérateurs français. Donc voilà. C'est pas réellement justifié parce qu'aujourd'hui, avec les smartphones comme par exemple ceux sous Android, on peut faire quasiment tout ce qu'on fait sur un ordinateur. Bah, voilà. Même les tablettes tactiles 3G, j'imagine que. Bon, enfin voilà quoi. On peut faire quasiment. On peut naviguer sur Internet et regarder des choses. Il y a même les nouvelles tablettes Samsung, enfin voilà, celles qui sont sorties récemment là. Quand on regarde sur le boîte, c'est compatible flash disk. Vous pouvez regarder vos vidéos sur YouTube. Enfin, je veux dire, c'est un argument de vente. Donc, en même temps, il y a le Wi-Fi. Donc, Mais c'est vraiment bête de partir comme ça sur d'un côté la vente de forfaits illimités et de l'autre côté de dire bah on bride par tous les moyens, on essaie de piéger le client par tous les moyens. Ça aurait été beaucoup plus simple de dire soit bah voilà, on vous fait un forfait. En fonction du débit que vous voulez, et donc pour ceux qui téléchargent énormément et beaucoup, faire un forfait très cher à 100€ ou 200€, mettre des quotas, c'est ce qu'il fait dans d'autres pays. En Belgique. Mais déjà, responsabiliser les utilisateurs en leur expliquant comment ça fonctionne un réseau 3G, donc. Expliquer comment la bande radio est partagée entre tout le monde. Déjà, ça aurait été, je pense, un peu plus intelligent. Mais, ouais. Mais est-ce que ça intéresse vraiment les gens, je veux dire, aussi. Après, question de faisabilité, hein, pour le grand public, j'imagine que. Bah, c'est pas parce que ça intéresse pas les gens qu'il ne faut pas le faire. C'est vrai que ce genre de société commerciale n'a pas forcément intérêt à rendre un peu plus intelligent ses clients et clientes. Voilà. Après, il faut voir ce qu'on veut, des forfaits français Orange à 10€ où on peut tout faire sauf qu'on peut rien faire, ou des forfaits de nos voisins belges à 10€ aussi, où là on a 200 mégaoctets de quota, mais on fait absolument passer tout ce qu'on veut dedans. D'accord. Mais ils ont plein de trucs les Belges. N'est-ce pas ? À part un gouvernement. Ok, petite pause musicale. Ouais. J'ai un petit Ogorojo de Koopa avec un petit featuring mecha. Bah voilà, je vous. On vous met ça, puis on se dit à tout à l'heure. Vous êtes sur le 106.6 Radio Campus, la plus libre des radios. À tout à l'heure. We'll be right back. Vous pouvez nous appeler au 03 20 91 24 00 pendant les pauses musicales ou sur le canal random du réseau silk.dg-sc.org. Toutes les infos sont sur le site lille.dg-sc.org/random. Reviens. tu t'amuseras, je te le promets. Et voilà. Et oui, venez, on va s'amuser d'ailleurs. Alors, donc, là, ouais, j'ai perdu le fil, moi, du coup. Le studio de campus est en plein travaux. Ils sont en train de préparer un joli studio. Vous vous en foutez, mais c'est pas grave, j'essaie de gagner du temps. Voilà. Ouais, bah écoutez, pour la censure de filtrage internet et neutralité réseau, c'est bon. Ou il y a deux petites news, attendez, hein, je montre un papier à mes collègues pour savoir si on... Ah oui, il y a des news, pas toujours sur la censure, où on pensait pas que... On pense pas forcément jusque où la révolution égyptienne a une portée. Donc hier à 10h25, il y a le mot Égypte qui a été censuré en fait sur l'internet chinois. Vu que c'est surtout sur le site de microblogging en Chine que ça a été censuré pour éviter que il y a une contagion en fait, il y a le pouvoir communiste qui se méfie un peu de tout ce qui est des réformes et des révolutions. D'accord, donc on ne sait jamais, vaut mieux pas trop en parler, ça pourrait donner des idées. Donc voilà, je pense que c'est tout pour la rubrique censure et filtrage des réseaux. Ok, bon, on va passer au joyeux monde de l'infosec. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Hacking Paris, numéro 11e édition. Alors qu'est-ce que c'est que Hacking Paris? Eh ben, c'est un petit rendez-vous, en fait, rendez-vous qui se veut international. Et j'ai pas... Ouais, d'accord. Bon, bah, hop, de tête. Donc c'est un rendez-vous qui se veut international. C'est du 16 au 17 juin 2011. Ça se déroulera à Disneyland Paris. Et oui. Et par contre, bon, pour les sujets, Little Charlie, il n'y aurait pas une petite feuille qui en parle tout près de toi? Parce qu'en fait. Non. Négatif. Bon. Bon, bah désolé, je voulais vous donner. Bon, c'est du reverse engineering, hein, c'est de l'intrusion, test de sécurité. Voilà, s'orienter quand même société. Et voilà, désolé, je voulais vous donner la liste un petit peu de ce qui s'y fera. Mais, on va essayer de la trouver pour tout à l'heure. Voilà, on la trouvera pour tout à l'heure. Donc, bah, voilà. Du coup, n'ayez pas peur, faites-nous confiance. Notre petite rubrique. Alors, Facebook en accès sécurisé, qu'est-ce que c'est ça? Normalement, ça devrait concerner l'accès en HTTPS de... donc du réseau Facebook, puisque pour l'instant il y a une extension qui est HTTPS Everywhere qui a été faite par l'Electronic Frontier Foundation. Oui, dont on avait parlé dans je sais plus quel nom. Mais qui en fait force mécaniquement l'utilisation du SSL. Mais à chaque fois tous les liens à l'intérieur sont des liens en HTTP. Et donc du coup, je me demande si c'est pas suite à la modification du compte Facebook d'une personne importante de chez eux qu'il y aurait eu une modification au niveau du login et de l'accès possible à Facebook. D'accord, donc suite à des petits couacs répétés, ils ont pris des mesures histoire que ça se renouvelle plus. Parce qu'on avait parlé de Firechip, là, l'extension de Firefox, qui permettait de facilement piquer le login de n'importe qui, par exemple quand on était sur un Wi-Fi public, où on voyait quelqu'un sur Facebook, et ben on se mettait pas trop loin, et cette extension permettait de récupérer son compte. Donc peut-être que ça... Ouais, il faut savoir, on n'en a pas parlé dans les mises à jour, sur tout ce qui est logiciel libre, l'extension Fireship en fait c'est enrichi au fur et à mesure des mois de nouveaux sites. Je crois qu'il y a une soixantaine de sites qui ont supporté l'heure actuelle, donc on peut récupérer les cookies d'autres sites aussi. D'accord, sachant qu'il y a une extension aussi qui fait planter Fireship avec son Firefox pour éviter. Donc voilà. Par contre, l'extension là, qui permettait HTTPS Everywhere, elle est disponible sur quel browser, sur quel navigateur? C'était que du Firefox ou... L'extension Fireship est disponible que... Non, pas Fireship, HTTPS et Vulgar. C'est un plugin qui est téléchargeable sur le site de l'EFF. Je crois que c'est en XUL, donc c'est que pour Firefox, mais je suis pas sûr. D'accord. Ok. À fouiller. Écoute, notre petit sujet. Enfin, un sujet. Oui, alors aujourd'hui, on a un sujet donc qui n'avait pas été annoncé tout à l'heure sur le système de fichiers BTRFS, donc qui est un système de fichiers qui devrait remplacer à terme l'ext4, vu que de la part de Théodore Tso, qui est l'un des développeurs principaux des systèmes ext. Il a indiqué que qu'il fallait que ext4 ça allait être la dernière version, puisque ça a été une modification progressive des différents fichiers, des différents systèmes de fichiers ext, mais que là il manquait des choses qu'on retrouve dans le Razer FS 3 et 4, qu'on retrouve dans le ZFS, et donc Oracle et d'autres développeurs qui bossent sur un nouveau système de fichiers. Donc là, c'était histoire d'expliquer un peu les avantages de ce type de système de fichiers. Alors, on commence par les performances. Hein. On peut avoir un fichier qui fait jusqu'à 16 exabytes donc exabytes. Parce que c'est en binaire. Au niveau des. On a encore la place pour stocker des vidéos en HD. Exactement. Bon, après, il faut déjà faire le disque dur ou le système de périphérique qui va avec. Ça tombe bien parce que, un peu comme le LVM, on peut venir rajouter des périphériques et les enlever à chaud. Donc c'est assez pratique. On peut aussi agrandir et rétrécir la partition à chaud, en fait, vu que y a un système de défragmentation en ligne. Donc lorsque la partition est montée, il y a un système qui permet de défragmenter, donc de bouger les fichiers, et donc ensuite de réduire à chaud la partition. Il paraîtrait qu'au niveau de la défragmentation en ligne, ça ne soit pas forcément encore ça. Donc on peut au niveau du stockage des fichiers, il y a une compression transparente, en fait, avec la compression LZO. Donc ça permet de gagner un peu de place. Il me semble la même compression qu'on retrouve dans OpenVPN pour gagner du débit. Et ça ralentit pas la lecture ou l'écriture des fichiers? Alors la compression, oui, nécessairement, il y a un calcul qui est fait par le processeur, donc du coup ça ralentit un peu l'écriture. Mais il y a aussi d'autres choses qui viennent ralentir l'écriture pour l'instant. Parce que c'est pas la seule fonctionnalité, on peut faire des sous-volumes, en fait, dans BTRFS, c'est-à-dire avoir plusieurs hiérarchies de fichiers qu'on va monter ensuite à différents endroits. Il faudra sélectionner au sein de la partition, rajouter une option pour dire on veut monter seulement tel arbre à tel endroit et tel arbre à tel autre endroit. Donc c'est pratique, on peut avoir plusieurs hiérarchies de fichiers qu'on va venir monter un peu comme on veut. Quand on a des réglages d'ordinateur un peu particuliers, ça peut être pratique. La notion de snapshot qui fait son entrée, donc on peut faire un instantané du système de fichiers, venir apporter des modifications, et éventuellement revenir à l'état d'avant du système de fichiers. C'est un système aussi qui est dit copy on write, donc copy à l'écriture. Donc à chaque fois qu'on va écrire une modification sur un fichier, ça va pas l'écrire sur le même endroit, en fait ça va copier toute la modification, tout le fichier ou toute la séquence sur un autre endroit. Toujours sur la même notion de découpage du disque, dans la plupart des systèmes de fichiers, on a des notions de cluster. qui font dans les quelques centaines de kilooctets. Là, c'est une notion, comme dans Ext 4, une notion d'extant. Donc c'est des grands blocs qui peuvent faire jusqu'à quelques centaines de mégaoctets qu'on vient allouer. Alors les petits fichiers pour gagner de la place sont stockés à plusieurs dans un extent, dans l'extent du dossier qui les contient. Mais les gros fichiers en fait sont stockés dans différents extents. L'avantage à avoir des espèces de gros clusters, des gros extents, c'est qu'on réduit la fragmentation. Ça permet de prévoir un peu de la place pour stocker le fichier. Mais du coup, il y a une petite perte de place. Parce que je présume que quand on réserve une place pour un fichier qui va arriver... Il y a tellement de paramètres qui vont venir rentrer en jeu dans le BTRFS que ça peut changer suivant le type de fichier qu'on utilise et les réglages de partition qu'on utilise. Notamment, il y a la possibilité de faire des checksums sur les data et les metadata, donc de faire une signature du fichier pour vérifier son intégrité, qu'il n'a pas été modifié, altéré, parce qu'il y a le disque qui s'est pris un rayonnement. Mm-hmm. Donc ça, c'est fait aussi sur les metadata, donc sur les dates et toutes les données. Ça, c'est aussi assez gourmand. Donc par exemple, c'est ce que j'ai désactivé sur mon système de fichiers, parce que c'est quasiment ce qui me prenait le plus de temps de calcul et ça rendait mon ordinateur inutilisable. Voilà. L'un des gros avantages, c'est pour les possesseurs de SSD, donc les disques durs à état solide, vu que y a donc BTRFS permet donc de désélectionner certains blocs, de ne plus écrire sur certains blocs donc qui sont défectueux, donc de les blacklister, mais aussi en mettant l'option -SSD. Ça permet de ventiler beaucoup plus l'écriture sur les différents secteurs du disque et donc de gagner un peu en durée de vie. Il y a aussi, alors, on est avec des B-trees pour stocker les données les différents niveaux de répertoire et les différentes références, les différents pointeurs vers les fichiers. Donc un peu comme certaines bases de données. Oui, un peu. Et donc du coup, de la même façon que d'autres systèmes de fichiers, il va y avoir des super blocs dans lesquels on va mettre toutes les infos sur, par exemple, les différentes hiérarchies de fichiers qu'on peut monter. Et il faut bien que ça soit stocké à un endroit connu. Donc c'est stocké à différents endroits bien régulés du système de fichiers. Mais derrière, ces super blocs en fait vont être à des endroits parfois aléatoires, enfin pas aléatoires, disons qu'ils vont être beaucoup plus ventilés que dans d'autres systèmes de fichiers, qui pourront endommager assez rapidement un SSD. Là en fait c'est pensé pour un peu soulager les écritures aux différents endroits. Il y a des notions de répartition des écritures un peu comme du RAID. Il y a BTRFS qui a pas mal de critiques parce que ça reprend certains mécanismes du LVM et de driver de disque dur. Mais ça apporte déjà énormément de choses par rapport à ses prédécesseurs. D'accord. Est-ce qu'il est stable actuellement ? Alors, je l'utilise en production sur 3 machines. Il y en a 2 qui ne me posent pas vraiment de soucis. Sur mon portable, BTRFS avait été très très long du fait que j'utilisais l'option SSD. Donc du coup j'ai désactivé le checksum pour gagner en performance, sachant que comme je chiffre la plupart de mes disques durs, de toute façon les performances sont très mauvaises vu qu'il y a chiffrement des données. Mais comparé à des performances sur du Ext 4, en mettant l'option SSD et en désactivant le checksum, c'est pareil. Par contre, avec beaucoup d'écritures simultanées, ça a tendance à faire friser les accès disques. D'accord. Ok. Bah, écoutez, je crois que c'est l'heure de notre agenda. Vous êtes sur Radio Campus, 106.6 FM, et c'est l'agenda de Random. Alors, donc l'agenda, ça va commencer le vendredi 4 février 2011. Il y aura donc le meeting 2600. Donc comme chaque mois, rendez-vous à 19h30 devant le Furet. En même temps que le meeting 2600, il y aura le beer event du FOSDEM, donc à Bruxelles. Où vous aurez la possibilité d'avoir de la bière libre, enfin si on reste, parce que souvent dès les premières heures du beer event il n'en reste plus beaucoup. C'est en général dans un endroit où on n'a pas de place pour marcher, tout le monde est très serré, donc faut apprécier la foule. Donc voilà. Et bah, donc, vu qu'on parle du FOSDEM, ça sera suivi donc, le samedi et le dimanche du forum européen des développeurs de logiciels libres et open source. Donc à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles. Au cours de la semaine prochaine, il y aura aussi le OSI Lab qui sera ouvert pour avancer un peu sur le chantier du hackerspace. Si vous voulez donner un coup de main, faut pas hésiter. Donc vous pouvez appeler au 06 58 50 77 24, donc 06 58 50 77 24, pour éventuellement donner un coup de main. Et donc à noter un événement assez intéressant, donc qui aura lieu en mars, donc là on a encore le temps de voir venir. Il y aura le FRNOG 17 à l'Institut Océanographique de Paris. Donc le FRNOG, c'est le groupe des opérateurs de réseau français. Et donc là, avec l'arrivée de la saturation de l'IPv4, ça peut être intéressant. D'accord. Bah, je crois qu'on va se